Section 19, livre 2, chapitre 36 à 41. Chapitre 36, le tombeau d'Ieyas. Pour construire le grand temple, on a fait dans la montagne une immense entaille rectangulaire. On a soutenu les terrains par trois énormes murs en granit, construits comme les murs pélagiques, avec de grands blocs irréguliers. Et tout en haut de ces murailles se dresse la forêt colossale. Le spectateur a donc la triple impression de la hauteur du temple doré, de la hauteur des murailles qui dominent la cime des toits, et de la hauteur des arbres noirs, trois fois séculaires, qui s'élancent dans le bleu du ciel. L'intérieur du temple est d'une richesse inouïe, mais cette richesse n'exclut pas ce goût irréprochable qui caractérise l'art japonais, même lorsqu'il semble faire abus de matières précieuses. Dans le monument même sont des salons, où se mettaient en prière les envoyés impériaux à droite et les daimyos à gauche. Quelques marches de lac noir qui descendent conduisent au sanctuaire gardé par un rideau que nous ne pouvons franchir. Un prêtre shintoïste vient à passer vêtu de couleurs sombres et coiffé de la petite mitre noire. Tous les pèlerins qui sont dans le temple se prosternent devant lui, mais pas plus que nous, ils ne dépassent le rideau saint. Inclinés devant les lourds glands de soie blanche et violette qui ornent la riche étoffe, il frappe dans ses mains deux fois et murmure une courte prière adressée à Ieyas, le dieu. C'est bien le culte augustal, tel que l'avaient imaginé les Romains. L'empereur mort devenait dieu, on lui élevait des temples. Au Japon, il suffisait d'être grand ministre et de mourir pour avoir ses honneurs. Quant au Mikado, il était dieu dès sa naissance. Tout autour du grand temple sont de nombreuses constructions. Des pavillons sacrés ou des niōraïs en bois doré veillent sur les points cardinaux. De vastes réservoirs monolithes près desquels les donneuses d'eau bénite entretiennent la propreté des tenōgūi pour s'essuyer les mains après les ablutions. De longues galeries en bois sculpté qui semblent supportées par des nuées où se jouent des vols d'oiseaux exécutés d'une manière ravissante. Des frises représentant le zodiaque bouddhique, une porte en bois laqué reproduisant des scènes de la vie des philosophes chinois, et puis des chapelles shintoïstes, des salles de réception et un musée historique fort curieux. On nous montre trois chapelles portatives qui servent dans les processions. Elles sont dédiées aux trois grands hommes du Japon, Yoritomo, Taiko, Ieyas. La plupart des curiosités de Nikkō datent de l'époque d'Iemitsu, et l'on sent que les Hollandais, qui avaient été autorisés à envoyer une ambassade jusqu'à la Sainte Montagne, ont contribué pour leur part à l'embellissement des temples. Sans parler des superbes chandeliers de fer forgé et des bois des Indes sculptés, je trouve un jeu de 16 clochettes parfaitement accordées par demi-tons qui n'ont rien de commun avec les tonalités japonaises. Mais nous n'avons pas encore vu le tombeau, dit Ieyas. Pour y arriver, il faut monter encore. Un escalier orné des deux côtés de balustrades de pierre escalade les escarpements, saute d'un rocher à l'autre et gravit à travers les grands arbres les pentes tourmentées. Une sorte de lichen vert et humide recouvre entièrement la pierre taillée à angle droit et cette espèce d'échelle de mousse s'élance en zigzagant jusqu'à une petite plateforme où se trouve le tombeau aux portes de bronze. Devant le tombeau, au milieu d'un carré entouré de balustrades de pierre, est une sorte de chapelle noire et or, en bronze, dans laquelle il n'y a qu'un goé, en papier blanc. La forme particulière de ce monument symbolise les cinq éléments, représentés par le carré, la boule, le cylindre, le losange, le triangle, superposés les uns aux autres. Un brûle-parfum, un vase et une grue, le tout en bronze, complètent l'ornementation. En se retournant pour descendre, on a sous ses pieds comme un océan de toits dorés, d'où jaillissent des caps et des îlots de verdure formés par la cime des arbres, qui ont l'air de contenir ces flots lumineux et mouvementés. Nous descendons rapidement jusqu'au fond de la vallée qui est à droite du temple, puis nous remontons sur l'autre versant pour visiter le temple consacré à Ieyasu. Il est desservi par les bonzes. L'un d'eux, vêtu d'une ample robe de crêpe noire, jetée sur ses vêtements jaunes, porte en plus une sorte d'étole en damas doré et multicolore. C'est lui qui nous offre de pénétrer dans le sanctuaire qui est d'une grande magnificence. Pendant que, nous autres impies et barbares étrangers, foulons aux pieds ces chambres sacrées, Nos Jinkiri, dont le groupe nous sert d'escorte, ne peuvent considérer l'intérieur qu'à travers les grillages dorés et ornementés qui servent de fenêtres. Au centre, une chapelle fermée contient le portrait du petit-fils d'Ieyas, le troisième shogun de la dynastie Tokugawa, Iemitsu lui-même. Je demande à le voir, mais le bonze, très complaisant d'ailleurs, me déclare que lui-même n'a pas le droit de le regarder. Je me retire en le remerciant, et au moment où je vais franchir la porte et remettre mes bottines, que j'ai religieusement quittées avant d'entrer, je vois le bonze tourner le dos au sanctuaire et se prosterner la face contre terre. Je me retourne pour voir ce que peut bien adorer ce prêtre démonstratif, et j'apprends que je suis moi-même l'objet de ses hommages intempestifs. Je me dérobe de mon mieux à cette politesse qui va jusqu'à l'idolâtrie, et pendant que le brave homme, du haut des gradins sacrés, en est à son second prosternement, moi assis par terre, le dos tourné, je remets mes chaussures. Décidément, la mise en scène est manquée. On aurait dû me prévenir du cérémonial. Kondo me fait observer que, si j'avais des tabis et des guettas, j'aurais pu, tout en saluant, remonter sur mes souliers de bois. Allons, je vois qu'il faudra une autre fois faire des répétitions préalables. Après avoir admiré un fort beau Fudo-sama, aux plis archaïques qui dominent une cascade, nous traversons le temple dédié à Yoritomo. On y a entassé des quantités de divinités, c'est comme un garde-meuble de Dieu. Le shintoïsme envahissant a refoulé ici les représentations divines qui se trouvaient dans les temples d'Ieyas. Je me promets de revenir étudier ce musée religieux. Pour le moment, il faut aller déjeuner sans même avoir eu le temps de monter jusqu'aux trois sapins gigantesques qui couronnent la montagne. C'est que ce ne sont pas des sapins ordinaires. Ce sont les plus grands qui existent au monde, et ils le savent. Chacun d'eux est protégé par un des trois dieux shintoïstes de Nikko, et lorsqu'un visiteur ne trouve pas, en présence de ses doyens de la forêt, des formules admiratives suffisantes, il devient subitement fou et prophète. Un des trois dieux s'empare de son corps et parle par sa bouche. C'est ce qui est arrivé à Jōhōraku-in, jeune bonze de Kyoto, qui prétendit devant les arbres divins que dans son pays, il en avait vu de bien plus beaux. Aussitôt le voilà possédé. Il croit être la déesse Tagorihime no Mikoto, elle-même, et se met à proférer mille extravagances. Il ne fallut rien moins pour l'exorciser et chasser la déesse que le sacrifice du feu, c'est-à-dire l'incinération d'un bûcher construit sur un autel de gazon. Et encore, fallut-il faire deux fois la cérémonie, car la première fois, on avait négligé de bien nettoyer les morceaux de bois. Du reste, ces faits étranges ne se sont pas passés dans des temps fort reculés, car le miracle eut lieu en 1852, ainsi que tout le monde peut le certifier. Mais un prodige encore plus récent nous est raconté. Il y a dans un hameau tout près de Nikko un certain Ishivara qui tient de ses pères le don de diriger les Tengu de la montagne, ces Bouddhas imparfaits, fruits secs du paradis. Plus puissants que les hommes, ce sont des dieux manqués, esprits grotesques, quoique supérieurs, êtres informes, armés néanmoins de pouvoirs surnaturels. Aussi, quand quelqu'un disparaît, quand un enfant s'égare ou une femme ne revient pas au logis, on va trouver Ishivara qui se charge, même sans récompense honnête, de retrouver l'être égaré. Or, un pèlerin, homme bien connu à Yedo, perdit son jeune fils dans la montagne de Nikko. Ishivara, consulté, répondit que l'enfant était déjà à Yedo. Mais pendant la visite du père, il se mit à pleuvoir et Ishivara lui offrit son parapluie. Et comment vous le rendre ? Vous le mettrez sur le toit de votre maison et le Tengu qui a ramené votre fils rapportera le parapluie. Le père retrouva son enfant chez lui et le lendemain, le parapluie placé sur la maison avait disparu, emporté par le complaisant Tengu. Heureux Japon qui voit encore les dieux se mêler de ses affaires les plus intimes, heureux peuple qui vit ainsi protégé par les êtres divins. Chapitre 37. Chez les bonzes. L'évêque de Nikko habite la capitale. Le clergé de la montagne sainte est dirigé par un second grand prêtre auquel nous allons rendre visite. On nous fait d'abord attendre assez longtemps chez le concierge qui entreprend pour se renseigner une longue conversation avec les interprètes. Kijiro s'est institué notre porte-parapluie. Il ne nous quitte plus d'un pas et nous accompagne de son rire incessant. Il place, de temps à autre, son mot dans la conversation, mais il n'a pas osé pénétrer dans la loge du concierge et parle à la cantonade au pied des escaliers. Enfin, nous faisant traverser des cours et des cuisines, on nous introduit dans un salon où l'on a dressé une table peu solide et des chaises branlantes. Là, nous attendons encore un assez long temps, mais nous nous consolons en admirant la superbe vue qu'on a sur le jardin de l'évêché et les montagnes pittoresques qui l'entourent. Enfin, le grand vicaire se présente. Il s'avance, les yeux baissés, s'assoit à la table sans saluer et paraît attendre que nous commencions la conversation. Il est vêtu d'un surplis transparent violet, recouvert d'une étole de damas violet ornée de roues blanches, dans lesquelles on a figuré des croix latines. Sa tête est rasée, et dans ses doigts s'agitent deux chapelets, un brun à gros grains et un tout petit à perles blanches. Condo commence la litanie des compliments obligatoires. De temps en temps, il incline la tête en avant et baisse la voix comme s'il était à bout de souffle. C'est le suprême de la distinction quand on veut être très poli. Une aspiration dentale à chaque fin de phrase, la péroraison débitée d'une voix éteinte en frottant la table de son front, tout cela indique un homme qui sait son monde. Le grand prêtre profite de chaque aspiration de Condo pour pousser un « et » approbatif qui sert de ponctuation au discours de son interlocuteur. À son tour, il prend la parole et termine aussi d'un ton mourant, imperceptible, en appuyant également sur la table son front rasé. Les formules de politesse épuisées, la conversation s'engage. Ce prêtre savant veut bien me donner sur sa religion une quantité de renseignements dont j'étais loin de me douter, après avoir lu pourtant ce qui a déjà été écrit sur le bouddhisme par les savants européens. Il est évident que, en passant à travers la Chine, les dogmes de Sakyamuni se sont singulièrement modifiés. Du reste, il n'est ici question que de la secte Tendai, car chaque secte a des idées différentes, même sur les principes fondamentaux. Le 11 m'offre d'envoyer demain matin un de ses docteurs pour m'expliquer les représentations religieuses que j'ai remarquées dans le temple du Horitomo, dédié aussi au deuxième shogun, et de plus, il m'invite à une grande cérémonie qu'il organisera en l'honneur de ma visite dans le même temple demain dans l'après-midi. Je n'ai pas besoin de dire combien je suis ravi. Pour mettre le comble à sa complaisance, il me mène dans sa petite chapelle et m'explique le sens et l'usage de tous les objets qui servent au culte. Après quoi, il envoie chercher dans sa bibliothèque des peintures anciennes et des livres précieux. On déroule sur la natte d'un des salons un immense kakemono représentant Amida entre Kwannon et Seishi. Tout autour sont peints les enfers, tous les degrés de béatitude et d'infortune, par où peuvent passer les âmes. Pour faire le savant, je parle du nirvana, dont le prêtre n'a jamais entendu parler, vu que le paradis de sa secte s'appelle Saihō Gokura Kujodo, et non le nirvana. Mais serait-ce le Bouddha lui-même qui, descendu du ciel, vient élucider la question « Quel est ce grand jeune homme à la démarche noble ?» Sa tête rasée et son grand surplis de mousseline noire nous indiquent qu'il est prêtre, mais la blancheur de son teint, la beauté de sa figure, font presque croire à l'apparition d'un être surnaturel. Un éventail bleu de ciel à moitié fermé est fixé dans sa poitrine au croisement de sa robe, assez ouverte, à cause de la chaleur. Il s'accroupit sur la natte devant le grand tableau, et noyé dans les vastes plis de sa robe à larges manches, il s'incline et salue. Puis, pour se donner une contenance, il déploie son éventail qu'il agite vivement. Comme il se sent regardé, il se met à rougir. À travers sa peau transparente, on voit le sang monter de la poitrine au cou et du cou au front. C'est le disciple du grand prêtre. Il admire avec nous les précieux manuscrits car il ne les a jamais vus de sa vie. Il a fallu l'occasion de notre visite pour lui dévoiler les richesses du temple qu'il habite. Après force politesse, nous prenons congé de l'aimable grand prêtre qui nous accompagne jusqu'au perron de son habitation, du haut duquel il se prosterne pour nous saluer. Cette fois, j'ai été prévenu, ce n'est qu'après avoir rendu salutation pour salutation et avoir vu le bonze s'éclipser dans ses appartements que je me hasarde à remettre mes chaussures. En sortant de l'évêché, nous nous dirigeons du côté de ces belles vallées que nous avons aperçues du salon du grand prêtre. Mais à peine sommes-nous engagés dans la campagne, la pluie se met à tomber et nous demandons asile à un cultivateur dont la femme nous offre du thé. Ce paysan est un ancien officier militaire, ruiné par la réforme. Il se console en faisant de l'agriculture et en utilisant pour l'amélioration du sol des bras qui ne peuvent plus servir à le défendre. Chapitre 38. Où l'on cause un peu. Ce matin, la pluie a cessé. Le ciel se dégage et de la fenêtre de l'hôtel, nous pouvons admirer le paysage alpestre qui nous entoure. Quelques vapeurs blanches poussées par le vent rasent la cime des montagnes. Tout près du jardin, le torrent rugit dans les rochers. Singulier jardin, du reste, les arbres taillés d'une manière étrange sont comme une parodie des beaux paysages japonais. Ce pittoresque de convention, idéal des jardiniers chinois, paraît ridiculement exigu devant la vraie nature. Tout en regardant, nous assistons au départ de la princesse Nabeshima, qui loge dans le même hôtel que nous. Une sorte de majordome fort laid, étriqué dans ses habits européens, préside aux préparatifs du voyage. La princesse, assez âgée, a les cheveux tombant sur les épaules selon l'antique mode des dames de la cour de Kyoto. 11 femmes et 2 hommes prennent des kango et le cortège s'ébranle, se déroule et s'éloigne. Mais il faut aller au rendez-vous qui nous a été donné par les prêtres. Nous traversons de nouveau les forêts et les avenues. Le parc sacré est fort bien entretenu. Des escouades d'hommes et de femmes accroupies arrachent les mauvaises herbes. Les cours et les allées sont irréprochables. L'eau qui chante partout lave et fait briller les dalles de granit. Au temple, c'est un jeune bonze, fort intelligent, qui nous reçoit. Le docteur promis est tenu en réserve. Il nous attend dans la sacristie et interviendra quand le jeune néophyte aura expédié le menu fretin des explications. En effet, après avoir très obligeamment répondu à toutes mes demandes, notre cicérone s'arrête court dans ses démonstrations lorsque je lui demande le sens des gestes que les dieux font avec leurs doigts. Il y a là toute une dactylolalie qui m'intrigue depuis longtemps et dont j'espère enfin dévoiler le mystère. « Je n'ai pas le droit de savoir ce que vous demandez, » me répond le jeune bonze. Mais il va chercher le vieux docteur qui a mis pour la circonstance un surplis de mousseline écarlate retenu sur la poitrine par un large anneau d'ivoire. Le prêtre m'apprend d'abord que l'homme le plus savant sur ces matières est un vieillard qui habite Nagoya, sur la route de Kyoto. J'en prends note sur mes tablettes. Puis il m'explique que chaque doigt de la main représente un élément, que par exemple, quand un dieu lève l'index et le médius, comme nos évêques donnant la bénédiction, cela indique un des gestes les plus puissants, parce que c'est la réunion de l'air et du feu, car le pouce représente l'espace, l'index, l'air, le médius, le feu, l'annulaire, l'eau, et l'auriculaire, la terre. Quelquefois, le pouce signifie la terre, et l'on suit l'ordre inverse. Durant une heure, le complaisant docteur me donne les explications les plus détaillées. Nous nous asseyons sur la natte du temple, on nous apporte le thé et des pipes, et pendant que nous causons en fumant et buvant comme dans un estaminet, des prêtres font leur service autour du sanctuaire, des pèlerins se font montrer les reliques et se prosternent. C'est dans l'après-midi qu'eut lieu la grande cérémonie à laquelle le second grand prêtre nous avait invités. En arrivant par la grande avenue de Cryptomérias, je vois qu'une certaine agitation règne sous les galeries extérieures du temple. Tout le clergé bouddhique de Nikkō est sur pied, en grand costume. La plupart des bonzes sont vêtus d'un surplis de gaze noire à travers lequel on devine leurs vêtements clairs. Par-dessus le tout, ils portent cet ornement en damas de couleur vive, kesa, que j'appelle étole, faute d'autres mots, sorte de large tablier faisant presque le tour du corps et retenu par une écharpe qui passe sur l'épaule gauche, contrairement au manteau isiaque qui était supporté par l'épaule droite. Des rondelles blanches sont brochées sur ses vêtements de soie et le dessin que je trouve le plus souvent reproduit est la croix dans le disque comme sur les étoles de la primitive église catholique. Quelques dignitaires ont des surplis de gaze jaune, rouge ou verte. Tous les prêtres ont un éventail. Le grand prêtre nous attendait dans l'avenue malgré une petite pluie fine. Et quand il nous salue en se mettant de côté, car les dieux seuls sont salués de face, son parapluie sombre fait autour de sa tête blanche et rasée une auréole de bon augure pour les paradis qui lui sont réservés. Mais il nous quitte pour se rendre au temple dédié à la fois à Yoritomo et au second shogun, le père d'Ietmitsu. Un serviteur laïc nous fait entrer dans le temple de Kishimojin, la patronne des enfants. Ce temple communique avec l'autre, par une galerie couverte peinte en rouge. Après avoir ôté nos chaussures, nous pénétrons dans le vestibule où l'on a installé une table et des chaises, ce qui est, comme on sait, un grand luxe au Japon, où l'on passe sa vie accroupi sur la natte. Le grand vicaire vient de nouveau nous souhaiter la bienvenue. Cet homme est la politesse incarnée. De plus, il nous prie d'attendre un moment que tout soit prêt pour la cérémonie. Ceci n'est qu'un gracieux prétexte pour nous faire accepter du thé et des gâteaux. Devant chacun de nous, on place une pile de friandises servies sur un double plateau de laque et posées sur une large feuille de papier. La vue de ce cérémonial réjouit fort nos jeunes interprètes japonais. Il est, assure-t-il, de la plus stricte politesse de plier les gâteaux dans le papier et de les mettre dans sa poche. Aussi nos drogman s'empressent-ils de se conformer au rite et, de crainte de quelque irrévérence de notre part, empochent leurs gâteaux et les nôtres. Car il n'y a pas ici à plaisanter avec les usages, et la fête du dîner forcé, qui a lieu tous les ans, en est une preuve. On invite ce jour-là les grands seigneurs du pays à prendre part à un repas. Le maître de cérémonie, armé d'un gros bâton, menace les convives et leur enjoint d'avoir à accepter les mets qu'on leur offre, sous peine de mériter le courroux des dieux et les coups de gourdin. Est-ce à dire que le meilleur moyen de reconnaître les bienfaits de la divinité, c'est d'en profiter? Est-ce à dire que la politesse exagérée envers des convives peut amener à des excès de violence? Il y a des pays où la politesse des invités étant de toujours refusée, la politesse des amphitryons est de se mettre en colère pour faire accepter. Bref, de crainte des coups de bâton, les gâteaux ont disparu. Oui, mais observe Kondo, il faudra donner des fleurs. Des fleurs? Et où les prendre? C'est-à-dire qu'il faudra donner de l'argent au sacristain. Ah, très bien. Toujours une formule pour dire les choses avec grâce et point trop crûment. Nous aurions dit un pourboire. Vous dites des fleurs. Nous sommes français, vous êtes japonais. Et quoi? On tire le canon? Un coup, deux coups, trois coups, une salve interminable? L'artillerie n'a rien à voir dans cette affaire. C'est un bonze qui frappe à coups redoublés sur un immense tambour dont le son répercuté et renforcé par les montagnes boisées est formidable. Le service va commencer, nous allons assister aux vêpres bouddhiques. Chapitre 39. Ce que c'est que vêpres bouddhiques. Un diacre vient nous chercher et, nous menant processionnellement par les galeries extérieures des temples, nous fait enfin entrer dans le sanctuaire où tous les prêtres sont agenouillés, formant un carré devant l'autel. Singulier signe des temps, voici des Européens admis à des cérémonies auxquelles ne peuvent assister les Japonais qui ne sont ni prêtres ni grands seigneurs. Voici des étrangers qui sont reçus avec tous les honneurs possibles dans les lieux mêmes où, il y a quelques années, leur présence eût été punie de mort. Le prêtre officiant, couvert d'une large chasuble de damas rouge à fleurs, se place devant l'autel qui est tellement entouré de marchepieds et de tables d'offrandes que le digne homme semble être mis en cage. Il commence un récit monotone avec quelques inflexions de voix, montant en traînant comme si l'intonation tournait dans la gorge. Puis les bonzes reprennent en chœur, chacun dans son ton. Mais cette sorte de mugissement chromatique et rythmé, produit par de nombreuses voix d'hommes, rappelle les grandes harmonies de la nature. Tantôt on reconnaît la plénitude et la vigueur du bruit de la mer. Tantôt le chant plaintif et doux du vent dans les grands pins, tantôt le murmure agité et puissant d'un peuple assemblé. Ce n'est pas une prière, c'est un bruit d'être, un concert d'âme, une harmonie venue des mondes extra-humains. Chose curieuse, aucune dissonance ne blesse l'oreille. Par ce frôlement de notes voisines, il se forme des harmoniques qui renforcent la sonorité et donnent les vibrations des grosses cloches. C'est grandiose et mystique, c'est comme un océan qui adore. Ce bruit ému et palpitant doit faire tressaillir l'âme de tous les Bouddhas. Quant à moi, j'en suis tout émotionné et fort surpris de ressentir une vive impression en présence d'un chaos de notes qu'on ne pourrait ni écrire ni harmoniser. Le drame religieux se déroule peu à peu, les prosternements succèdent aux cantiques, les récits alternent avec les mouvements des prêtres autour de l'autel. On ne peut pas bien voir ce que l'officiant fait, accroupi dans sa cage. Des diacres apportent des plats d'or, ajourés, ornés de gros glands de soie violets et blancs. Ces plats sont remplis de fleurs de chrysanthème jaune, privées de leurs tiges. Chaque plat est posé devant chaque bonze. Tous se lèvent et commencent une procession autour du sanctuaire. Chemin faisant, ils jettent sur le sol les fleurs jaunes qui s'éparpillent comme des constellations d'étoiles. Ces plats brillants, ces marguerites d'or, jaillissant des mains des prêtres, ont quelque chose d'éclatant. Dans l'ombre du temple, c'est comme des étincelles, et la procession sacrée semble faire une offrande de lumière. Chacun reprend sa place, excepté l'officiant qui se met en avant des marchepieds et offre l'encens dans une cassolette à manche d'or. Puis commence le chapelet sur la formule « Namu Amida Butsu »« Je me consacre au Bouddha Amida ». Chaque fois que la phrase se dit, un grain passe entre les doigts des prêtres et l'officiant donne un coup de marteau sur une petite cloche à son enclume. Le mouvement, d'abord lent et solennel, va toujours en s'accélérant comme chez les derviches hurleurs. Il arrive vite un moment où les assistants ne peuvent plus prononcer. C'est un bredouillement sonore dont le rythme marqué par le timbre s'active de plus en plus. Encore plus vite, toujours plus vite, et chaque coup va droit au cœur d'Amida, emportant le faisceau de prières esquissées par les prêtres. La rapidité d'une machine à coudre utilisée pour sauver les âmes. Les chocs s'arrêtent subitement et le bourdonnement des versets cesse instantanément. Cette précipitation dans la manière de dire le chapelet n'a pas pour but d'en avoir fini plus tôt. Les bonzes ont assez le temps de réciter leurs prières et de les bien prononcer. Mais il s'agit de faire comprendre par l'encombrement des versets et des syllabes combien est grand le nombre des êtres qu'il faut secourir. Les mots se précipitent sur les lèvres comme les âmes à l'entrée des paradis, et la rapidité de la prononciation aide à la facilité de la délivrance. Le jeune bonze d'hier se charge de donner le coup final sur le grand tambour sans que sa figure douce et belle laisse apercevoir le moindre effort. Il saisit le large tampon et, faisant voler ses vastes manches noires, il assène un coup vigoureux sur l'immense instrument qui mugit comme un monstre vaincu. Tel Sakyamuni, calme et rêveur, terrassait du bout de son doigt les démons malfaisants, sans que sa physionomie indiquât rien de l'effort surhumain qu'il accomplissait. Chapitre 40. Histoire du jeune charpentier. Le lendemain, je reçus à l'hôtel la visite du grand prêtre. Il m'interrogea beaucoup sur les religions de l'Europe. Il me dit que si je voulais faire à Lyon une chapelle bouddhique, il m'en donnerait le mobilier. Je n'ai pas refusé. Comme je lui demandais pourquoi le bouddhisme s'était fusionné si facilement avec toutes les religions des peuples chez lesquels il s'était introduit, il me répondit « Le bouddhisme accepte dans les autres croyances tout ce qui est grand, moral et bien, car le bien est toujours inspiré par le Sacré-Cœur de Bouddha. Nous trouvons souvent chez les autres plus de vérité que nous n'en apportons. Mais, répéta-t-il, tout ce qui est bien émane du Sacré-Cœur de Bouddha. » À peine a-t-il pris congé, nous partons pour Tokyo. Le retour à la capitale s'effectue sans grands incidents. Nous retrouvons les mêmes paysages, nous traversons les mêmes villages, nous logeons aux mêmes hôtels. Après Utsunomiya, on nous montre l'endroit où eut lieu, en 1634, un combat soutenu par Iemitsu, qui faillit périr dans un guet-apens organisé par les partisans de son frère cadet, Tadanaga. Iemitsu avait annoncé qu'il irait faire à Nikko un pèlerinage en l'honneur de son grand-père, Ieyasu. On se préoccupa aussitôt de trouver le long de la route des logements dignes du haut personnage qu'il s'agissait de recevoir. À Utsunomiya, on résolut de construire pour la circonstance un pavillon de repos capable de recevoir le grand ministre et sa suite. Or, c'était justement dans les environs d'Utsunomiya que le frère du shogun, Tadanaga, s'était retiré après avoir échoué dans sa tentative de supplanter son frère, auquel une intrigue de palais voulait enlever la succession d'Ieyasu. Tadanaga était devenu fou, presque furieux. Ses cruautés incessantes n'avaient pas empêché un certain nombre de partisans de suivre sa fortune, et ses fidèles, apprenant que Iemitsu devait passer près d'eux, organisèrent un complot contre la vie du shogun. Un jeune charpentier nommé Roku Saburo avait été chargé de construire la chambre à coucher du grand ministre. Les partisans de Tadanaga vinrent trouver le jeune ouvrier et lui promirent une forte somme d'argent s'il voulait faire un plafond lourd et mobile qui, au moyen d'une goupille, pût subitement tomber et écraser le shogun. Ils ajoutèrent que si Roku Saburo refusait, ils le tueraient immédiatement. Ce dernier argument eut d'autant plus de force aux yeux du jeune ouvrier qu'il aimait passionnément Osono, la fille de Tchonemon, l'officier même qui était chargé de l'installation du pavillon de repos. Mourir quand on aime et que l'on est aimé, cela est fort pénible. Recevoir une forte dot au moment de se marier, c'est au contraire très agréable. Roku Saburo promit donc au conjuré de construire le plafond machiné. Et comme les amoureux sont généralement bavards, il alla au plus vite conter toute l'affaire à sa bien-aimée. Le père de la jeune fille se trouvait justement dans la chambre voisine. À travers la muraille de papier, il entendit tout et resta consterné des horreurs qui se préparaient. Sans faire aucun reproche à son futur gendre et à sa fille, il donna l'ordre à ses serviteurs de leur attacher les mains avec des cordelettes et de les surveiller. Puis, il alla avertir le shogun qui faisait en toute tranquillité son entrée dans la ville. Yemitsu s'arrêta net et rebroussa chemin du côté d'Yedo. L'heure était avancée et l'obscurité envahissait le chemin bordé de sombres matsu. Les conjurés en profitèrent pour couper au plus court à travers champs et aller s'embusquer à la sortie de la ville derrière des groupes de bosquets de bambous. Le cortège Shionugal rebroussait chemin en silence. La solitude était complète, comme il convient lorsque voyage un grand seigneur. Au loin, les cloches des temples appelaient les bronzes à la prière du soir. Tout d'un coup, un homme apparut sur la route et tua un des soldats du cortège. Aussitôt, de tous côtés, les conjurés se précipitèrent le sabre nu. La mêlée fut terrible comme toute mêlée japonaise. Yemitsu lui-même défendit sa vie avec fureur. Mais il n'obtint la victoire que grâce au concours énergique d'un certain Ishikawa qui est resté célèbre par sa force herculéenne et qui fit des conjurés un carnage épouvantable. Pendant ce temps, la belle Osono s'était fait détacher par ses servantes. Elle avait à son tour rendu la liberté à son amant afin qu'il puisse au plus tôt faire fonctionner le plafond homicide. Shonemon, qui avait averti le shogun sans dire que son futur gendre était compromis dans l'affaire, fut au désespoir quand il apprit que sa malheureuse fille avait tout compromis. Il comprit qu'il se trouvait dans une de ces situations délicates et embarrassantes où un homme n'a plus qu'à s'ouvrir le ventre. Il écrivit une belle lettre aux officiers du shogun pour leur expliquer que l'amour avait égaré le jeune charpentier et les prier d'épargner son gendre en considération du suicide qu'il allait accomplir. Il écrivit aussi à sa fille pour l'engager à ne pas trop s'affliger. Puis il se rendit à l'hôtel des officiers juste au moment où Roku Saburo, arrêté, subissait un interrogatoire. Les choses s'arrangèrent pour le mieux. On promit à Tchonemon que puisqu'il allait s'ouvrir le ventre, on ferait grâce au jeune homme. Alors l'excellent père sortit de sa poitrine la lame dont il avait enlevé la poignée et la garde. Elle était enveloppée d'étoffe et ne laissait briller que l'extrémité de la pointe. Juste ce qu'il fallait pour fendre la peau sans atteindre les viscères. Puis, lorsque sa fille éplorée fut arrivée, après avoir fait ses recommandations à ses enfants, après avoir remercié les juges de le laisser mourir à la place du coupable, il procéda, suivant les règles, à un harakiri des plus distingués. Quant au jeune charpentier, il passa, avec la belle Osono, une existence pleine de douceur. Chapitre 41. Le retour. Nous revenons par un temps affreux. Des rafales passent à travers les grands arbres, tordent les branches et les cassent. La pluie tombe par masses comme des paquets de mer. En vain, on nous installe des bâches en papier huilé. La moindre déchirure organise des gouttières et la voiture est toute inondée. Nos jinriki ne rient plus. Les roues s'enfoncent dans la boue. Le terrain est gras et glissant. Pourtant, ils ne ralentissent pas leur vitesse. À grand renfort de coups de reins et de cris sauvages, ils maintiennent leur trot rapide. Ils veulent arriver à la rivière Tanée avant que l'inondation la rende infranchissable. Un courrier du gouvernement nous croise et crie en passant que dans quelques heures, la traversée du Tanée sera impossible. Les jinriki redoublent d'ardeur. Nous arrivons à temps. La rivière roule des vagues énormes. On se précipite dans le bac et on coupe la mare. Le roulis s'empare du bateau, qui n'est dirigé que par un vieillard armé d'un bambou. Pourra-t-il nous tirer d'affaire au milieu de ce rapide ? Parfaitement. À part quelques coups de lame, la traversée s'est fort bien exécutée, et nos hommes reprennent leur allure comme si de rien n'était. La route s'élance sur une digue qu'il faut suivre pendant un long parcours. Là, il y a moins de boue, mais le vent devient terrible. C'est le typhon qui se révèle dans toute sa puissance. Nos frêles voitures seraient renversées 20 fois sans la vigueur et l'adresse des traîneurs qui luttent avec l'ouragan et marchent à travers la tempête. Seulement, de même que les navires par les gros temps sont obligés de consommer plus de charbon, de même les jinriki pour réparer leurs forces s'arrêtent plus fréquemment et ont soin à chaque halte de faire chauffer au bain-marie la petite bouteille de saké qui passe de main en main et remplit à la ronde les coupes de faïence. Il en résulte que la gaieté revient peu à peu. Je commence même à trouver qu'elle revient trop. Je remarque dans notre armée des symptômes d'indiscipline. Le lendemain, l'orage est calmé, il fait un temps splendide. Mais le saké est toujours chaudement fêté. Arriverons-nous sans encombre à Tokyo ? Nous retrouvons à Koshigaya les servantes aux tartines. Elles sont fières de nous apprendre qu'elles ont mangé la confiture et paraissent disposées à recommencer les expériences. Nous recevons ces nouvelles avec une joie bien vive, mais nous sommes pressés et coupons au plus court. D'autant que le saké fait de plus en plus son effet sur nos traîneurs qui pourraient bien nous abandonner. Pendant la halte, un concert. Deux femmes, dont l'une porte son enfant en sautoir, nous régalent d'une espèce de marche assez bien rythmée et vraiment très juste. On nous fait observer que ces femmes sont de la campagne et n'ont aucun talent. C'est sans doute pour cela qu'elles ne jouent pas faux. À mesure que nous approchons de la capitale, nos jinriki se débandent. Notre retour ressemble à une déroute. Pourtant, à force de crier et de se fâcher, nous parvenons à rassembler dans la grande rue d'Ueno les fragments épars de notre cortège et les apparences sont sauves jusqu'au grand pont de Nihonbashi. Là, nous trouvons une foule énorme. C'est la fête du quartier. Au milieu de l'encombrement, d'autres jinriki insultent les nôtres qui plantent là voitures et voyageurs pour se jeter sur leurs interlocuteurs. La mêlée devient sérieuse. Chiosuke n'a pas le saké endurant. Il se livre à un pugilat animé. Kejiro lance à droite et à gauche des coups de poing vigoureux qui font rouler les adversaires dans la poussière et à chaque coup, il se prend les flancs et pouffe de rire. Enfin, on sépare les combattants et nous reprenons notre course à travers la grande rue de Ginza qui est sillonnée de voitures garnies de femmes en toilettes vives. Ce va-et-vient de petits équipages vous donne comme une réminiscence du boulevard des Capucines à l'heure du retour du bois. Les riches attelages sont remplacés par de grands gaillards qui poussent des cris aigus afin de faire écarter la foule qui traverse à grande vitesse. Mais subitement, le mouvement s'arrête pour laisser passer la chasse du dieu shintoïste qui protège le quartier, ou plutôt le dais massif qui abrite un miroir métallique tout rond, emblème de pureté. Le dais, fort lourd, est entraîné par une véritable foule de porteurs qui poussent des cris réguliers pour marcher ensemble. Ce naos doré qui s'avance au-dessus de la population, comme une barque au-dessus des flots, rappelle les grands baharis sacrés que les jours de fête les prêtres d'Isis promenaient sur leurs épaules. Mais ici la gaieté domine le sentiment religieux. La dévotion a quelque chose d'alerte et de vif. Ces femmes en toilette, ces enfants armés de jouets, ces oriflammes déployées, ces apprêts d'illumination, ces estrades de lutteurs suspendues dans les airs, cette animation des habitants, cette vélocité des voitures qui se croisent, tout jusqu'à la rapidité avec laquelle passe la procession sacrée, donne ici à la joie une véhémence qu'on ne trouve qu'au Japon. Fin de la section 19. Fin de promenade japonaise par Émile Guimet.